Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction vocale du 14e cours de la série d'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari par Sheikh al-Buti rahimahullah. Dans ce 14e cours, nous allons déjà continuer l'explication de la sagesse du cours précédent qui avait trait aux promesses d'Allah et au fait que nous croyons parfois ne pas les voir, comment réagir face à cela. Et la suite de ce cours, c'est le passage à une nouvelle sagesse qui nous parle de manifestations divines, de deux chemins qui nous permettent de parvenir à Allah. Un chemin qu'emprunte l'homme par l'adoration et un chemin qui est plutôt initié par Allah, qui est l'élection divine, al-ijtiba, dont Cheikh al-Buti rahimahullah va parler. Petite précision par rapport à ce cours-ci, à la fin du cours, Cheikh al-Buti rahimahullah fait un doua assez long. Donc je le traduis bien sûr en français et je le laisse en version originale telle qu'il a été dit par Cheikh al-Buti rahimahullah. Je vous laisse donc découvrir ce cours. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes. La meilleure prière et la meilleure bénédiction sur notre maître Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion. Ennoblis-nous par la lumière de la compréhension. Ouvre-nous la guider par la connaissance de la science. Adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est donc le 14e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde. Certains frères ont des questions en rapport avec des cours plus anciens. L'un d'entre eux dit « Est-ce que le fait que le jeune homme pense sans arrêt au mariage et à la jeune femme pieuse est un effort dans ce qui lui a été garanti, ou est-ce un effort dans ce qui lui a été demandé ?» Il pose la question à propos du fait d'y penser sans arrêt, de penser sans arrêt au mariage. Penser sans arrêt au mariage ne constitue pas un effort, ni dans ce qui lui a été garanti, ni dans ce qui lui a été demandé. Cette pensée constante ne doit pas être. Il faut que la pensée soit orientée vers les affaires pour lesquelles il a été créé. Il faut qu'il pense à ses devoirs, qu'il pense aux ordres d'Allah, pureté et toute puissance à lui, qu'il pense aux bienfaits d'Allah. La pensée est différente du fait de pratiquer les causes. Ensuite, bien sûr, rien ne l'empêche de chercher la fille vertueuse, de préparer dans sa vie les causes qui lui facilitent la construction d'une famille. Cette chose-là, nous l'avons expliquée, clarifiée. Et cela ne veut pas dire ijtihaduka fi ma dhumina lak wa taqsiruka fi ma tuliba mink intimasun ala wa taqsiruka fi ma tuliba mink dalilun ala intimas al-basirati mink. Ton effort dans ce qui t'est garanti et ton manquement dans ce qui t'est demandé prouve l'effacement de ta clairvoyance. Cela ne veut pas dire que l'homme reste assis chez lui, oisif, au chômage, pour dire « Voilà, je ne fais pas d'effort dans ce qui m'a été garanti. » Non, nous l'avons expliqué. Et c'est dommage, je ne veux pas perdre de temps en répétant ce que j'ai déjà dit. Mais peut-être que le frère n'était pas là à ce moment-là, ou peut-être a-t-il été sujet à l'oubli. Oui, lorsque l'homme fournit des efforts pour fonder une famille, un foyer, ou dans un travail, ou pour gagner une subsistance, et que par cela, il demande l'agrément, la satisfaction d'Allah, alors il fournit ses efforts dans ce qui lui a été demandé, pas dans ce qui lui a été garanti. Et nous avons clarifié cela. Mais à condition que son objectif soit la satisfaction d'Allah, le Tout-Puissant. Pas le fait d'amasser de l'argent et de l'utiliser dans ce qui entraîne l'arrogance, dans ce qui l'éloigne d'Allah, le Tout-Puissant. Dois-je donc répéter ce propos? Non, pas besoin de le répéter. Le frère peut écouter un enregistrement du cours en question, et nombreux sont les frères qui enregistrent. Un autre frère commente la sagesse où Ibn Ata'illah d'Alexandrie dit « Arih nafsaka min at-tadbir » فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ لَا تَقُمْ بِهِ لِنَفْسِكَ. Repose-toi l'esprit de la planification, épargne-toi la planification. En effet, ne te charge pas pour toi-même de ce dont un autre s'est déjà chargé pour toi. Nous avions dit à ce moment-là que ce qu'Ibn Ata'illah voulait dire par At-Tadbir, la planification, c'est que tu utilises, que tu déroules les causes légiférées permises, mais que tu crois être celui qui prépare les causes et qui en réalise les conséquences. C'est cela que veut dire Ibn Ata'illah par le mot at-tadbir. C'est-à-dire, par exemple, que l'homme parte étudier, ou qu'il parte faire du commerce, en croyant que c'est lui qui, par sa ruse, par son effort, par sa capacité personnelle, parvient à ses fins. et que sans cela, il n'y serait pas parvenu. Cela entre en contradiction avec la doctrine, la croyance à la base. Et cela s'appelle at-tadbir, la planification, au sens où l'entendait Ibn Ata'illah. Et cela ne doit pas être. Quelle serait l'action saine ? De faire les mêmes choses, d'étudier, de sortir t'occuper de ton commerce, de ton champ, de ton travail, de pratiquer les causes, mais à condition que tu sois absolument certain que c'est Allah qui crée les résultats et que tu n'es qu'en train d'accomplir un travail qu'Allah le Tout-Puissant a demandé de toi. C'est cela que veut dire l'imam Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Bien sûr, dans certains cas, lorsque nous nous exprimons, nous disons « Mon frère, sors au marché, sors travailler, l'homme doit planifier son affaire. Planifie ton affaire et les besoins de ta vie. » Nous disons cela entre nous. Nous utilisons cela comme un concept dialectique. Mais le concept voulu par l'imam Ibn Ata'illah d'Alexandrie, c'est l'autre. C'est la différence suivante. C'est qu'utiliser l'asbab, les causes, est permis. At-tadbir, la planification, c'est le fait de croire que ce serait toi qui créais les résultats à la suite des causes. Et cela, c'est interdit. Et nous ne devons pas nous y rabaisser. Nous pouvons nous tromper. Nous devons être précis dans la petite note de traduction, sous-entendue dans la terminologie que nous employons. Mais parfois, nous utilisons le mot at-tadbir, la planification, à la place du mot al-asbab, les causes. Nous utilisons l'expression utilisation des causes à la place du mot planification. Oui, ça arrive, et ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il n'est pas interdit à l'homme d'utiliser les causes. Au contraire même, il lui faut les utiliser, parce qu'Allah le Tout-Puissant a établi nos vies sur la base du système de l'organisation des causes et des conséquences. Il a donné à la bonne santé des causes. Nous devons les employer. Et il a donné aux maladies des causes. Nous devons en soulever l'éventualité et nous en éloigner. Mais, lorsque tu utilises les causes de la bonne santé, tu dois savoir que c'est Allah qui envoie, qui donne, qui confère la bonne santé. Et tu peux utiliser toutes les causes qui réalisent normalement, qui impliquent normalement une santé excellente, sans que tu n'aies cette bonne santé. Tu dois savoir cela. Et tu dois aussi t'éloigner des causes de maladie. Le suicide est prohibé, illicite. Mais tu dois savoir que lorsqu'Allah veut éprouver un humain, il l'éprouve, même si cet humain s'est abrité derrière toutes les causes de bonne santé. Nous devons savoir cela. Et si l'homme s'oppose à cela, il mécroit. C'est-à-dire, c'est une question grave. Nous devons savoir que lorsqu'Allah, pureté et toute puissance à lui, fait pleuvoir sur nous, c'est par sa grâce qu'il le fait. Par sa grâce. Si quelqu'un essayait, et comme j'ai dit au cours précédent qu'il disait, c'est nous, par notre capacité scientifique et par notre technologie, c'est nous qui avons fait tomber la pluie. Cet homme-là aurait alors mécru. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, dans un hadith qudusi, c'est-à-dire, une parole, dans ce cas-là, une parole rapportée, une parole d'Allah, rapportée par le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. « Asbaha mu'minun bi, wa kafirun bi, faman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih » فَذَلِكَ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَمَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا فَهَذَا هُوَ الْكَافِرُ. Un de mes serviteurs est devenu croyant en moi, et un autre est devenu mécréant. Celui qui a dit « Nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et par sa miséricorde », celui-là est le croyant. Quant à celui qui a dit « Nous avons reçu la pluie grâce à la conjonction des astres », celui-là est le mécréant. Donc, quel est le sens du tadbir interdit, de la planification interdite ? La planification interdite, c'est d'utiliser les causes en croyant être celui qui concrétise leurs résultats par ta capacité. Qui es-tu pour concrétiser les résultats par ta capacité ? Toi et les causes et les conséquences, tout cela est créé par la main d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Oui. Je pense que nous avons fini l'explication de la sagesse numéro 7, dans laquelle Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit « La yushakikannaka fil wa'ad adamu qu'a'il maw'ud wa intariyana zamanuh li alla yakuna thalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik » Que le fait que ce qui est promis n'arrive pas ne te fasse pas douter de la promesse, même si le temps de sa réalisation a été précisé, afin que ceci n'entache pas ta clairvoyance et n'éteigne pas ta lumière intérieure. Nous avons dit que parfois, l'homme récite des passages du livre d'Allah le Tout-Puissant et trouve alors qu'Allah fait beaucoup de promesses aux musulmans dans son livre. La victoire, la subsistance, la force, la richesse. L'homme regarde alors et trouve que ses promesses n'ont pas été exécutées, n'ont pas été réalisées. Il lit d'autres versets dans le livre d'Allah le Tout-Puissant, versets dans lesquels Allah menace les gens, les injustes, dans lesquels il menace les criminels, les mécréants, de destruction, d'anéantissement. L'homme regarde et trouve qu'Allah ne les a pas détruits. L'homme est prédisposé à l'empressement, comme le dit Allah le Tout-Puissant. « خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ » L'homme a été créé d'empressement. Il est donc impulsif par sa nature. Son impulsivité le pousse à dire « Où est ce qu'Allah m'a promis ?»« Où est ce qu'Allah m'a promis ?» Ça ne s'est pas réalisé. Puis, il ressent de la gêne, de la colère, à cause de ces gens injustes, ces tyrans, ces gens effectivement outranciers. Et lui, il lit dans le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Leur Seigneur leur révéla alors, nous anéantirons certes les injustes, et nous vous ferons habiter la terre après eux. Cela pour ceux qui ont craint mon statut et qui ont craint mes menaces. Il se demande alors, dans son fort intérieur ou même en son fort intérieur ou même à voix haute, en public, où se trouve donc la réalisation de la promesse d'Allah, de sa promesse d'anéantir les injustes, alors qu'ils sont en train de se pavaner, de s'amuser tranquillement. Ibn Attar, il l'est averti. Prends garde de ne pas manquer de respect à Allah. Les frères, je ne réponds pas aux questions qui n'ont rien à voir avec le cours. Je le dis toujours, alors n'exagérez pas avec les papiers. Ce sont des questions qui n'ont aucun rapport avec le cours. J'aimerais que nos cours soient bien programmés, bien organisés scientifiquement. Là, maintenant, je ne suis pas en train de faire un cours de ward, d'exhortation morale, ouvert. Et cela, je l'ai peut-être répété plus de 20 fois. Je répondrai aux questions concernant le cours d'aujourd'hui la semaine prochaine. Et je répondrai aux questions concernant le prochain cours au cours d'après, et ainsi de suite. Oui. C'est-à-dire de traduction. Là, on a l'impression que ça fait une coupure avec ce qui est dit avant. C'est juste, Cheikh Al-Bout, il met les points sur les i. Apparemment, il reçoit des questions pendant qu'il fait cours. Voilà. Je disais donc, Ibn Attar nous avertit. Il dit que le fait que ce qui est promis n'arrive pas, c'est-à-dire pour toi, en apparence, que ce fait-là ne te fasse pas douter de la promesse. Cette promesse doit se produire. En apparence, elle ne s'est pas encore produite. Suite de la sagesse. Même si le temps de sa réalisation a été précisé, afin que ceci n'entache pas ta clairvoyance et n'éteigne pas ta lumière intérieure. Il y aurait alors un voile entre toi et Allah, pureté et toute puissance à lui. Une promesse, dans le sens de laquelle Allah a tranché, ne peut que se réaliser. Et une menace qu'Allah, le Très-Haut, s'est imposée, ne peut que se réaliser, mais en son temps. Dans les règles et les conditions adéquates. Et à ce que nous avons dit dans notre dernier cours, nous rajoutons, tu peux effectivement voir le tyran user de sa tyrannie, de sa force, comme s'il défiait Allah le Tout-Puissant. Tu regardes ensuite et tu le vois vivre tranquillement, dans les largesses de son existence et des bienfaits dont il jouit. Ce contre quoi Ibn Attar te mettait en garde te traverse alors l'esprit. Non, il faut que tu saches que chaque chose a un temps fixé. La différence entre l'esclave et le Seigneur, c'est qu'il n'y a pas pour Allah le Tout-Puissant un temps qui s'appelle passé, un temps qui s'appelle présent ou un temps qui s'appelle futur. Tous les temps sont pareils pour Allah. C'est lui le créateur du temps. C'est pour nous que cette différence existe. En effet, moi j'ai tourné le dos à une période de ma vie. Ce à quoi j'ai tourné le dos s'appelle passé. Et je vis des moments à l'instant. Ce que je vis à l'instant s'appelle présent. Et j'attends un temps qui viendra, où je vivrai encore ma vie. Et ce temps s'appelle le futur. Sur qui s'applique cela? Sur nous. C'est sur nous que cela s'applique. Donc nous, lorsque nous voyons la promesse d'Allah ou ses menaces, et lorsque nous voyons le temps passer sans que la promesse ne se soit réalisée, nous comparons, nous mesurons l'action d'Allah le Tout-Puissant et sa présence à la notion de temps dans notre vie. Nous disons, 1 an, 2 ans, 3 ans sont passés sur cette promesse, sur cette menace, sans qu'elle ne soit appliquée. Les 2 ans, les 3 ans, les 10 ans sont comme l'instant pour Allah le Tout-Puissant. Ne t'en presse donc pas. Ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, s'est promis, se produira. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde voit, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, tout le monde voit l'Amérique comme un modèle de tyrannie, comme un modèle d'agresseur, comme un modèle d'arrogance. Il semblerait que cet ennemi qui faisait l'équilibre des puissances avec l'Amérique ait disparu. On parle, bien sûr, petite note de traduction, on parle bien sûr de l'URSS. Les États-Unis d'Amérique ont alors regardé. Ils ont vu qu'ils étaient seuls sur le terrain, s'imaginant qu'ils pouvaient faire du monde entier le domaine de leurs intérêts, qu'ils pouvaient s'approprier les droits des gens pour leurs intérêts, puisqu'il n'y a personne pour leur faire face. Les États-Unis pratiquent donc cette tyrannie. Ça, c'est une chose connue, oui. Et sous ce travail, sous l'égide de ce travail, on trouve des slogans comme le nouvel ordre mondial, comme le mot mondialisation qui est employé aujourd'hui. Et ce que veut dire tout cela, c'est que cette entité, cette société, cet État ne croit qu'en ce qui s'accorde avec ses intérêts. Droits de l'homme, droits de l'animal, quoi que tu dises, il ne croit qu'en ses intérêts propres. Si ses intérêts nécessitent qu'il tacle les États qui se dressent contre lui et qu'il les jette à l'eau, il le fait. Et il invente pour cela des organisations et des lois, pas de souci. Donc, les États-Unis d'Amérique sont aujourd'hui un modèle de tyrannie dans le monde. Ça, c'est une chose connue. Nombreux sont ceux qui le disent. Bon, Allah, pureté et toute puissance à lui, n'a-t-il pas dit فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Leur Seigneur leur révéla alors, nous détruirons certes les injustes. Pourquoi ne les détruit-il pas? C'est ce contre quoi Ibn Ata'illah nous met en garde. Allah va les détruire. Mais ce n'est pas toi qui impose le timing, c'est Allah qui impose le timing. Il va les détruire, mais pas conformément au temps que tu vis, le temps étant pour nous une illusion, pas conformément au temps qui se subdivise en passé proche et lointain, en présent et en futur proche et lointain. Pour Allah, le Tout-Puissant, le passé, le futur et le présent, tout cela c'est pareil. Tout cela c'est pareil pour Allah, pureté et toute puissance à lui. Allah n'a pas dit, leur Seigneur leur révéla alors, nous détruirons certes les injustes après 24 heures et tant de minutes. Non, il n'a pas dit cela. Mais il a dit, فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. La, l'âme qui est un l'âme de serment, نُهْلِكَنَّ, une noun de certitude, الظَّالِمِينَ. Leur Seigneur leur révéla alors, nous détruirons certes les injustes. Mais Allah le Tout-Puissant est meilleur connaisseur du timing. Et nous avons la certitude que la civilisation occidentale est sur le déclin, qu'elle va vers sa fin. Et personne ne peut assurer que cette construction civilisationnelle illusoire durera encore 10 ans. Personne, absolument personne ne peut garantir cela. Personne ne peut garantir que cette construction civilisationnelle durera encore 1 an ou 2 ans. Personne. L'affaire est entre les mains d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Les États-Unis vont maintenant vers leur fin. Que celui qui le sait le sache et que celui qui l'ignore continue de l'ignorer. Les États-Unis prennent des montants, des biens considérables, sous des noms, sous des prétextes que même les pirates n'ont pas pu utiliser. Ils les prennent de ces États qui jouissaient hier encore de la richesse et qui aujourd'hui sont en faillite. Et ils pensent pouvoir réaliser leurs intérêts par cela. Mais ceux qui observent, ceux qui surveillent la situation, voient que ces biens que les États-Unis accaparent disparaissent et avec eux leur double. Ils ont obtenu tant de milliards, 2-3 ans auparavant. Ces milliards, ils les ont perdus et ils ont perdu leur double au cours des 2 dernières années. Maintenant, les tempêtes de neige qui traversent tant d'États des États-Unis d'Amérique, savez-vous combien elles coûtent aux États-Unis? Que celui qui le sait le sache et que celui qui l'ignore, l'ignore. Lorsque les États-Unis accaparent ces biens par le biais de la piraterie et par le biais de moyens qui ne sont plus cachés à aucun d'entre vous, Allah, pureté et toute puissance à lui, les dérobe de leurs mains, les subtilise en quelques mois, si ce n'est en quelques jours. Oui, toutes ces choses-là ne sont que des préludes. Les tempêtes de neige qui ont laissé des milliers et des milliers et des milliers de gens sans lumière et sans électricité pendant près d'une semaine sont un prélude. Un prélude. Un prélude, un prélude, je le dis. Oui, entre les mains du châtiment à venir d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Mais nous devons savoir qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, laissera ce monde habité jusqu'à ce que vienne l'heure. Petite note de traduction, le jugement dernier. Le sens de ceci, c'est que les rênes doivent être aux mains de certains, de gens qui prennent ces rênes, la direction. Et ils laissent en marche la chaîne du monde d'ici-bas. Et le Créateur Tout-Puissant a promis, si les musulmans sont des musulmans sincères, véridiques, de faire que la direction du monde soit entre leurs mains. Et lorsque les musulmans ne sont pas vertueux, qu'ils trahissent au contraire leur religion, qu'ils trahissent la notion de dévouement envers leur Seigneur, pureté et toute puissance à lui, alors c'est ainsi qu'Allah a promis. Allah a promis de prendre les rênes de leurs mains, de prendre la direction de leurs mains et de la mettre entre les mains de leurs ennemis. Bon, donc nous, lorsque nous disons ces injustes, pourquoi ravagent-ils? Pourquoi corrompent-ils la terre? Il nous faut dérouler la suite du projet. Bon, quel est le projet dans ta tête? C'est qu'Allah anéantisse les injustes. Bon, et qui dirigerait le monde après cela? Nous. Sommes-nous à ce niveau-là? Sommes-nous à cette hauteur-là? Nous n'y sommes pas. Donc, ton projet est mort. Il y a 2 paumes, 2 possibilités. Ces 2 paumes ne peuvent disparaître avant que l'heure, avant que le jour du jugement dernier ne vienne. Dès lors, ou bien c'est la paume des croyants en Allah, pureté et toute puissance à lui, de ceux qui respectent le pacte avec Allah qui a le dessus, ou bien c'est la paume des autres qui a le dessus. Oui. Par contre, si tu dis « ni eux ni nous », cela veut dire que tu cherches à hâter la venue de l'heure. L'heure n'est pas venue, son temps n'est pas encore venu. Remarquez ce que je dis, mon propos est précis. Et tout cela, nous le lisons dans le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Soyez croyants comme l'étaient vos prédécesseurs, soyez respectueux du pacte, soyez bons garants du jugement d'Allah, et non pas de la civilisation occidentale, de telle sorte que vous fassiez de vos personnes des esclaves de cette dernière. Si vous faites tout cela, si vous respectez tout cela, je vous montrerai comment les rênes du monde seront entre vos mains. Mais quand vous n'avez pas un tel niveau, vous ne pouvez pas dire « ni moi ni mes ennemis ». Car vous demanderiez alors à Allah de faire venir l'heure avant son terme. Non, ni moi ni mes ennemis, ça ne peut pas fonctionner. Le train du monde est en marche et restera en marche jusqu'à ce qu'il arrive à la station connue d'Allah le Tout-Puissant. Tant que le train du monde est en marche, il lui faut un conducteur. Dès lors, si les musulmans sont au niveau, Allah a promis de mettre la direction, les rênes, entre leurs mains. Et l'histoire passée est le meilleur témoin de la véracité de la promesse d'Allah le Tout-Puissant. Mais lorsque les musulmans ne sont pas au niveau de conduire le train du monde, Allah le Tout-Puissant met la conduite du train du monde entre les mains de gens pires que les musulmans. Ceci est la façon de faire, ceci est la coutume d'Allah le Tout-Puissant dans l'univers. Et le verset que j'ai pris à témoin, فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ énonce cela. Leur Seigneur leur a alors révélé, nous détruirons certes les injustes et nous vous ferons certes habiter la terre après eux, cela pour ceux qui ont craint mon statut et qui ont craint mes menaces. Montre-moi donc, où sont les musulmans sur lesquels la parole d'Allah le Tout-Puissant s'applique? Cela pour ceux qui ont craint mon statut et qui ont craint mes menaces. Où sont-ils? Si ces deux descriptifs s'appliquaient sur les musulmans, ces derniers ne seraient pas divisés. Ils n'auraient pas adoré le monde d'ici-bas au point que cette adoration les conduise au sectarisme et à la division. La division des musulmans, quelle est sa cause? Sa cause est leur adoration de la vie d'ici-bas, leur adoration pour leurs trésors. Ils se sont fait la course, ils ont rivalisé pour ces trésors. Leurs yeux sont devenus rouges, éblouis par ces trésors. Moi, pas toi, non, moi, pas toi. Ils se sont divisés après avoir été solidaires, et le résultat en a été le suivant. Ils n'ont gardé ni leurs trésors, ni leur affection les uns pour les autres, affection que leur Seigneur, pureté et toute puissance à lui, leur avait donnée. Cette chose est claire. C'est pourquoi cette sagesse fait partie des choses les plus importantes dont nous devons nous teindre en cette époque. Cette sagesse d'Ibn Rattah d'Alexandrie. Parce que nombreux sont ceux qui sont pris de doute au sujet du caractère juste d'Allah le Tout-Puissant. Et le diable murmure dans leur cœur. Non, que le fait que ce qui est promis n'arrive pas, c'est-à-dire selon ce que tu crois voir, ne te fasse pas douter de la promesse, même si son temps a été précisé, afin que cela n'entache pas ta clairvoyance et n'éteigne pas ta lumière intérieure. Rappelle-toi toujours que l'âge de l'histoire n'est pas comparable à l'âge de l'humain. L'humain vit un certain nombre d'années, et toi tu vois qu'il était enfant, puis qu'il est devenu jeune homme, puis qu'il a atteint un âge mûr, puis qu'il a vieilli, et qu'il est mort. Tous ces événements se déroulent en 50, 60 ans par exemple. Mais l'histoire n'est pas comme cela. Tu ne vois pas l'histoire passer de l'enfance à l'adolescence en 10 ans. L'histoire ne passe pas de la jeunesse à l'âge mûr en 10 ans. La civilisation était d'âge mûr, puis elle est devenue vieille. Non. L'âge des civilisations est plus large que cela. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas plus de 200 ans. Qui peut dire, quel occidental peut dire que les États-Unis d'Amérique fêteront un jour leurs 300 ans? Aucun. Les États-Unis sont sur leur fin. Et cette chose, nous devons la savoir, elle doit être claire pour nous. Mais en soi, cela ne nous est d'aucune utilité, que les États-Unis touchent à leur fin ou pas. De toute manière, notre mal, notre épreuve vient de nous-mêmes et pas des États-Unis. Notre mal vient de nous-mêmes. Notre catastrophe vient de nous-mêmes. Nous, Allah nous a vêtus de cet habit qu'est l'islam et nous a distingués par lui des autres nations de ce monde. Et puis nous avons enlevé cet habit. Allah le Tout-Puissant nous a couronnés de la couronne de l'esclavage vis-à-vis de lui et nous avons jeté cette couronne par terre. Ne remarquez-vous pas cela? Et qu'on ne vienne pas dire « Regarde, les mosquées sont pleines de prieurs ». Laisse. Ne me parle pas de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme de la mousse. Roufa, ceci est de la mousse, mais vous serez une mousse comme la mousse du liquide. Wa innama antum roufa unka roufa sail. La mousse se traverse facilement. Regarde ceux qui combattent la religion d'Allah le Tout-Puissant et regarde où paraît le statut de la croyance, de la foi. Cherche les enseignements d'Allah, pureté et toute puissance à lui dans nos sociétés arabes, dans nos sociétés musulmanes. Tu trouveras tout le monde en train de s'essouffler, de s'efforcer de copier cet ennemi qui nous fait maugréer, cet ennemi dont nous nous plaignons. Oui. Puis, Ibn Rattah nous amène à la sagesse suivante. Et ceci est un nouveau thème en réalité. Il dit « إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك » فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْكَ وَالْأَعْمَالَ أَنْتَ مُهْدِيهَا إِلَيْهِ وَأَيْنَمَا تُهْدِيهِ إِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْكَ. Lorsqu'il t'ouvre une direction pour le connaître, ne te soucie alors pas que tes actions soient peu nombreuses, puisqu'il ne t'a ouvert cette direction que pour que tu le connaisses. Ne sais-tu pas que le connaître est un don de sa part, alors que tes actions sont un don de la tienne? Et entre ce que tu lui donnes et ce qu'il te donne, la comparaison ne tient pas. Quel est le sens de cette parole? L'humain, quel qu'il soit, a devant lui deux chemins pour arriver à Allah, pureté et toute puissance à lui. Le premier chemin, c'est l'humain qui l'emprunte, et c'est un chemin long et difficile. Comment l'homme commence-t-il ? Comment l'homme le commence-t-il ? En enracinant la foi en Allah le Tout-Puissant dans sa raison, et en enracinant l'amour d'Allah et sa crainte dans son cœur. Puis, il va vers les ordres d'Allah et les actes d'adoration pour les pratiquer comme Allah le lui a demandé. Et il cherche à clarifier pour lui-même les interdits qu'Allah lui a prohibés pour les éviter, comme il le lui a demandé. Et il cède en cela par la multiplication de l'évocation d'Allah, par la multiplication de la récitation du livre d'Allah. Un long programme qu'il suit. Et plus il marche sur ce chemin, plus son cœur s'illumine et s'éclaire. Et plus sa clairvoyance perçoit Allah le Tout-Puissant. Et plus l'univers s'éloigne de lui. Les voiles disparaissent petit à petit ou deviennent transparents. Ça, c'est le premier chemin. Le second chemin, qui se trouve à côté du premier, c'est Allah qui l'initie, pas toi. Le premier chemin va de toi jusqu'à Allah. Le second chemin va d'Allah jusqu'à toi. Quel est ce second chemin ? Ce second chemin, c'est ce que le livre d'Allah appelle Al-Ijtiba, l'élection divine. Il se manifeste à toi. Qui es-tu ? Allah sait mieux. Quelle en est la cause ? C'est lui qui le sait. Qu'a donc fait cet homme pour être exposé à un tel dévoilement ? Allah sait mieux. Donc le second chemin, c'est un dévoilement par lequel Allah se manifeste à son esclave à un instant donné. Il pouvait être juste avant buveur d'alcool, perdu, désobéissant, corrupteur, porteur de fardeau qu'il a commis, outrancier envers lui-même. Mais Allah se dévoile à lui à un moment donné et l'attire vers lui. Dans la même heure, il passe de la perdition, de la divagation, de l'éloignement vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant, au niveau les plus élevés de sérieux et de connaissance d'Allah, pureté et toute-puissance à lui. Ça, c'est le second chemin. Et la clarification d'Allah, le livre d'Allah le Tout-Puissant, a indiqué ces deux chemins en disant « Allahu yashtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib » Allah choisit auprès de lui qui il veut et guide vers lui quiconque se repent. Le chemin de l'élection et le chemin de la guide. Quant au chemin de l'élection, c'est une attraction d'Allah sur toi. Et il est exprimé ainsi dans le Coran. Yajtabi ilayhi man yasha. Allah choisit auprès de lui qui il veut. Qui il veut. Puis il dit wa yahdi ilayhi man yunib et qui et guide vers lui quiconque se repent. C'est-à-dire quiconque revient sur lui-même, fait des efforts, pratique ses fonctions, accomplit ses actes, s'affranchit petit à petit de la création et se retrouve devant le Créateur, pureté et toute puissance à lui. Par ces deux chemins, Allah interagit avec ses esclaves, ses serviteurs. Ou plutôt, Allah traite ses esclaves par le biais de l'un ou l'autre de ses chemins. Il y a des gens qu'Allah a rapprochés de lui, qu'Allah a choisis. Et il y a des gens qui se sont efforcés, qui ont fait de gros efforts et qui sont arrivés par le biais de leurs efforts à Allah. Oui. Ici, Ibn Ataïlah d'Alexandrie parle de ces deux chemins. Il dit en effet, lorsqu'il, c'est-à-dire le Créateur Tout-Puissant, t'ouvre une direction pour le connaître, c'est-à-dire s'il veut se dévoiler à toi et t'attirer vers lui à un moment donné, ne te soucie alors pas du fait que tes actions soient peu nombreuses. Ne te soucie pas du fait que ton action ait été simple, que tu avais le dos tourné il y a peu de temps, que tu étais perdu, que tu divaguais, que tu étais corrupteur. Ne t'en soucie pas. Car cette fenêtre de sa connaissance, il ne te l'a ouverte, il ne s'est manifesté à toi par cette miséricorde qu'en voulant te faire connaître sa très haute personne. Ne sais-tu pas que le connaître est un don de sa part alors que tes actions sont un don de la tienne ? Sa connaissance, la connaissance d'Allah te vient de la part d'Allah. Elle descend d'Allah vers toi, pure, propre, immaculée. Quant aux actions, c'est toi qui les lui offres. Elles s'élèvent de toi vers lui. Et comment comparer ce que tu lui offres et ce qu'il t'offre ? Ce que tu lui offres, toi, ce que tu offres d'action à Allah est plein de saleté, de l'ostentation, c'est-à-dire du fait de vouloir se faire voir par les autres, des saletés de la vanité, des saletés du manquement, le bricolage, le délaissement, l'oubli, les conditions non remplies. Ça, c'est l'affaire des actions qui s'élèvent de toi vers Allah. Elles sont toujours touchées par les balles des saletés qui sont l'affaire de l'homme. Alors que ce qui te vient d'Allah le Tout-Puissant, ce qu'Allah t'offre, ne te parvient que pur, immaculé. C'est cela la différence entre ce que tu envoies comme action à Allah et ce qu'Allah le Tout-Puissant t'envoie comme manifestation de sa part. Oui, cela c'est en résumé le sens des paroles d'Ibn Ataïlah d'Alexandrie. Derrière ces paroles, il y a une longue explication. Quelqu'un pourrait dire, et y a-t-il effectivement des gens qui ont été attirés ainsi vers Allah sans effort ? Oui, il y en a aujourd'hui, et il y en a eu hier, et il y en a eu avant-hier. Et les premiers que nous pouvons citer en exemple à ce titre sont l'ensemble des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De nombreuses fois, Un bédouin rude, brutal, venait, et à peine s'asseyait-il dans l'assemblée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à peine le voyait-il, à peine entendait-il des paroles de sa bouche qu'il passait d'un état à un autre. Son état d'esprit de bédouin du désert disparaissait, la brutalité de sa nature disparaissait, et il renaissait. Il venait avec un certain état d'esprit, dans un certain état d'esprit, et il sortait avec un autre état d'esprit, dans un autre état. Et combien d'images, d'exemples de ce propos peuvent venir à l'esprit ? Puis, parmi ceux qui les ont suivis, nombreux sont ceux qu'Allah le Tout-Puissant a choisis. Et je pense avoir évoqué les noms de plusieurs d'entre eux. Malik ibn Dinar est l'un d'entre eux. Et je me rappelle des noms grandioses, de noms grandioses comme Bishr al-Hafi, qui est l'un d'entre eux. Fudayl ibn Iyad est l'un d'entre eux. Bishr al-Hafi, c'est son surnom, était l'émir de Bassora, de l'Basra. Il était l'émir de Bassora, il était un exemple d'homme de distraction, de divertissement, d'opulence, de cocasserie et de richesse. Les nuits dans son palais étaient pleines de distractions, oui. Allah le Tout-Puissant l'a choisi, l'a rapproché à un moment donné. Une nuit, quelqu'un toqua à sa porte. Une de ses servantes ouvrit alors la porte. Un homme à l'allure vétuste, usée, c'est-à-dire dont l'apparence suscite le dégoût, l'aversion, apparut et lui dit « Le propriétaire de cette maison est-il un esclave ou est-il un homme libre ?» Elle eut de l'aversion pour son propos, elle n'aima pas son propos. Elle dit « Comment ça, esclave ou homme libre ? N'as-tu pas entendu parler de la maison de l'émir de Bassora ?» Et elle lui claqua la porte au nez. Et elle se retourna en riant. Son maître lui demanda « Qui est-ce ?» Elle lui dit « Maître, c'est un fou !» Lorsque j'ai ouvert, il m'a dit « Le propriétaire de cette maison est-il un homme libre ou un esclave ?» Ces paroles scintillèrent d'une luminosité spéciale, avec une manifestation, un dévoilement divin dans le cœur de Béchir, comme s'il s'était réveillé d'une hibernation. C'est cela l'attraction, c'est cela l'élection divine. Et il sortit immédiatement. Il ouvrit la porte, demanda à la servante par où l'homme était parti, et il sortit pieds nus, cherchant dans le marché, jusqu'à ce qu'il trouvât cet homme. Il lui demanda « Es-tu celui qui a frappé à ma porte ?» L'homme lui répondit « Oui. » Bishr lui demanda « Qu'as-tu dit ?» L'homme répondit « Rien de particulier. J'ai entendu du bruit, des gens s'amuser et se divertir, etc. Et j'ai donc demandé si le propriétaire de cette maison était un homme libre ou un esclave. » La servante m'a alors répondu. Elle m'a répondu « N'as-tu pas entendu parler de l'émir de Bassora ?» Et je me suis alors dit « c'est vrai, cela n'est pas l'affaire des esclaves. Cela n'est pas l'affaire des esclaves. Ce n'est pas comme ça que les esclaves agissent. » Béchir lui répondit « Ô toi, je te prends à témoin, je suis un esclave. Et je vivrai la vie des esclaves et je rencontrerai Allah en esclave. » Et cette heure-là, ce moment précis fut la coupure entre un passé par lequel était connu Béchir, l'émir de Bassora, et un futur où il serait désormais surnommé Béchir el-Hafi, c'est-à-dire Béchir aux pieds nus. Bishr aux pieds nus parce qu'il était sorti pieds nus. Cela, c'est une élection divine, oui. Il ne s'était pas fatigué. Il n'avait pas pris part à des assises de sciences religieuses. Il n'avait pas lu plus que cela du livre d'Allah, le Tout-Puissant. Mais Allah s'est manifesté à lui d'une manifestation de miséricorde. Il l'a attiré vers lui. De même, Malik ibn Dinar était un policier ivrogne. À un moment donné, il passa de cette situation à celle d'un homme de Dieu, dont le nom fut connu parmi les pieux prédécesseurs. Malik ibn Dinar. Des milliers venaient assister à ses cours. Le corrupteur égaré, perdu, entrait et il en sortait repentant, adorateur, attaché à sa religion. Mais ici, nous voulons nous arrêter à la station à partir de laquelle nous reprendrons au prochain cours, Inch'Allah. Cette manifestation divine a nécessairement des causes que nous ne voyons pas, mais Allah sait cela. Que ces manifestations divines, que cette élection divine se passe à notre époque, dans le futur ou dans le passé. Toute chose a des causes. Et une fois, à un cours comme celui-là, j'avais évoqué l'histoire d'un jeune homme de Halab, d'Alep. Il était l'exemple type de l'athéisme, de la mécréance, et il était l'exemple type de la corruption. Et il ne croyait ni en une divinité, ni en la prophétie, ni à une chose qui s'appellerait esclavage vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. Il étudiait à la faculté de sciences de l'université d'Alep. Un jour, il était au laboratoire avec ses camarades, et il accomplissait une tâche qui lui avait été confiée. Et c'est alors que, brusquement, il s'arrêta comme foudroyé et il se mit à pousser un cri étrange, étonnant, comme s'il était un djinn. Ses camarades accoururent autour de lui pour savoir ce qu'il en était. Il se mit alors à dire « Moi j'étais fou, moi j'étais égaré, moi j'étais ceci et cela. C'est maintenant que je viens de naître, que j'ai été créé. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Oui, à cet instant-là, il se transforma d'un homme au comportement hors de contrôle, d'un homme soi-disant affranchi d'Allah par sa raison, en un homme sérieux et engagé dans tous les sens du terme. Et il se mit à envoyer des demandes de livres qui l'aideraient à étendre le domaine de sa culture islamique et de ses engagements religieux. Quelles sont donc les raisons qui se cachent derrière l'élection divine, le choix par Allah de tel ou tel homme ? Notre rendez-vous sera, Inch'Allah, au prochain cours, et nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous rassembler sur ce qui le satisfait. Donc là, le cours en tant que tel est fini, et c'est un doua de fin que n'avait pas l'habitude de faire Cheikh rahimahullah au cours précédent. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين اللهم إنا تبرأنا إليك من تدبيرنا لشؤوننا اللهم إنا تبرأنا إليك من كل الأسباب التي من حولنا وآمنا أن لا إله إلا أنت أنت الفعال أنت القيوم بيدك ملكوت كل شيء نسألك اللهم بإيماننا بذلك كله أن ترفع مقتك وغضبك عنا وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين وأن تكرمنا بالغيث يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا ببركة سمائك اللهم أكرمنا برزقك الوفير من أرضك اللهم أغث عبادك اللهم أحي بهيمتك اللهم أحي بلدك الميت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نستغفرك لأنفسنا ولعبادك جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نعتذر إليك ممن يرى أن الأسباب هي من دونك الفعالة في الكون يا أرحم الراحمين فنسألك اللهم بإيماننا بأنك أنت المسبب وبأنك أنت الرزاق وبأنك أنت المحيي وبأنك أنت سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين اللهم إن طاعاتنا لا تنفعك وإن معاصينا لا تضرك فنسألك اللهم أن تتقبل منا ما لا ينفعك وأن تغفر لنا ما لا يضرك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستشفع بالشيوخ الركع ونستشفع بالبهائم الرتع وبالأطفال الرضع أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نعلم أن فينا عصاة وفينا تائهون عن صراطك وفينا مستكبرون على العبودية لك يا رب العالمين ولكنك لست بحاجة إلى عبوديتنا ولا إلى عبوديتهم لست بحاجة إلى أن نستغفرك أنت الغني ونحن الفقراء إليك فنحن نسألك اللهم أن تغفر له وأن تسامحه ونسألك اللهم برحمتك بعبادك الضعفاء ورحمتك بعبادك التائهين أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أكرمنا بالغيث اللهم أكرمنا بالرزق الوفير اللهم حصننا في ديارنا آمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على ما يرضيك اللهم أنت القادر أن تسعدها وأن تهديها كما هديت الرعيل الأول من هذه الأمة فهد عبادك اليوم أيضا يا رب العالمين أعدهم إلى حظيرة دينك سيرهم على صراطك يا مولانا تجل اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بتجلي الرحمة أن تكرمنا بتجليات رحمتك على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ô Allah, accepte notre repentir, un repentir sincère que nous ne briserons jamais, et fais que nous restions engagés sur la voie de la droiture, de telle sorte que nous n'en dévions jamais. Et sors-nous de l'humiliation, de la désobéissance à la noblesse de l'obéissance, et fais que nous soyons satisfaits de ta prédestination et de ton destin, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, nous désavouons notre capacité et notre force pour ta capacité et ta force. Ô Seigneur des mondes, ô Allah, nous désavouons auprès de toi notre planification de nos affaires. Ô Allah, nous désavouons auprès de toi toutes les causes autour de nous. Et nous croyons qu'il n'y a de divinité que toi. Tu es le faiseur, tu es le qayyum, le preneur en charge suprême. La possession de toutes choses est entre tes mains. Nous te demandons, ô Allah, par notre croyance en tout cela, que tu lèves ton courroux et ta colère contre nous. Et que tu ne t'en prennes pas à nous à cause de ce qu'ont fait les impertinents d'entre nous. Ô Seigneur des mondes, et que tu nous fasses don de la pluie, ô toi le plus clément des cléments. Ô Allah, fais-nous don de la bénédiction de ton ciel. Ô Allah, fais-nous don de la subsistance profuse de ta terre. Ô Allah, porte secours à tes serviteurs. Ô Allah, fais revivre ton bétail. Ô Allah, fais revivre ta contrée morte, ô Seigneur des mondes. Ô toi le plus généreux des généreux. Ô Allah, nous te demandons ton pardon pour nous et pour l'ensemble de tes esclaves, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, nous demandons ton pardon. Ô Allah, nous demandons ton pardon. Ô Allah, nous nous excusons de ceux qui voient que les causes auraient un quelconque effet sans toi. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous te demandons donc, ô Allah, par notre croyance en le fait que tu es le faiseur des causes, que tu es le donneur, que tu es celui qui redonne vie, nous te demandons par cela de nous donner la pluie et de ne pas faire de nous des désespérés. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, nos actes d'obéissance ne sont pas utiles, ne te sont pas utiles, tout autant que nos actes de désobéissance ne te nuisent pas. Nous te demandons alors, ô Allah, d'accepter de nous ce qui ne t'est pas utile et de nous pardonner ce qui ne te nuit pas. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, ô toi le majestueux, le noble, ô Allah, nous demandons l'intercession par les vieillards penchés et nous demandons l'intercession par les bestiaux assoiffés et par les enfants allaités. Nous demandons par eux que tu lèves ton courroux et ta colère contre nous. Ô toi le majestueux, le noble. Ô Allah, nous savons qu'il y a parmi nous des pécheurs et qu'il y a parmi nous des déviants de ton chemin. Et qu'il y a parmi nous des gens qui s'enorgueillissent de l'esclavage, vis-à-vis de toi, ô Seigneur des mondes. Mais tu n'as besoin ni de notre esclavage ni du leur. Tu n'as pas besoin que nous demandions ton pardon. Tu es le riche et nous sommes les pauvres vis-à-vis de toi. Nous te demandons donc, ô Allah, de leur pardonner. Et nous te demandons, ô Allah, par ta clémence vis-à-vis de tes esclaves faibles, de tes esclaves perdus, de lever de nous ton courroux et ta colère. Ô toi, le majestueux, le noble, ô Allah, fais-nous don de la pluie. Ô Allah, fais-nous don d'une subsistance profuse. Ô Allah, protège-nous dans nos maisons. Accorde-nous la sécurité dans nos pays, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, rassemble la parole de cette communauté sur ce qui te satisfait. Ô Allah, tu es le seul capable de la rendre joyeuse et de la guider, comme tu as guidé les premiers de cette communauté. Guide donc aujourd'hui tes esclaves, ô Seigneur des mondes. Remets-les sur la bergerie, remets-les dans la bergerie de ta religion. Fais-les marcher sur ton chemin, ô toi notre maître. Nous te demandons de nous faire don de la manifestation de ta miséricorde, de nous faire don des manifestations de ta miséricorde, comme pour tes esclaves que tu as aimés et qui t'ont alors aimé. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين